fecha. Possibilité d'échanger, d'investir le présent, here and now, the way to home to infraction, push our force, presence door, push your force, the presence, no wait, no fear, it's here and now. Prendre des risques, s'exposer, ouais, des conduites à risque, car vivre-tu maintenant, ici et maintenant. Cette civilisation n'est pas la fin du monde. Au contraire, parce que la fin de cette civilisation n'est pas la fin du monde. Nous sommes là ce soir, coupés de nos amis, de nos familles, de nos collègues musiciens, avec qui d'habitude on fait des bœufs, on est en ligne. Thank you Darwin, thank you Network, thank you Ninja. plus attendre, ne plus espérer. No wait, no hope. Push your force. Presence do. Sinon ça va péter. Méchamment. Just another brick and all in all, it's just another brick and all in all, you're just another brick and ouais, ok. Allez, on passe à autre chose. Eh ben, bonne équipe de. What? Ground control to Major. Ground control to Major. Ground control, ground. Oh. We need to share. Thank you.

Santana, oye como va. Yes, we would like, yes, we would like, yeah, we share, thank you Darwin, thank you Network, thank you Nature. Oye como va. Possible. We create, we try, we fail, we try again, we fail better. S'approprie des suites d'accords, des sons. Oui, je crois, c'est à nous. Oui, je crois, c'est à moi, c'est à toi, ça appartient à personne. Des suites d'accords, il n'y en a pas 56, peut-être 64, ok, mais c'est à moi, c'est à toi. Création ne plus se laisser distraire, désarçonner, faire effraction, continuer à nous écraser. Je pense à Serge Gainsbourg, je pense à James Brown, je pense à Amy Winehouse, je pense à se laisser distraire, désarçonner, ne pas devenir un produit, absorbé par le capitalisme. chant, dans nos danses. Ne plus avoir peur de faire partie de nous. We'll be right back. Japon. Allons-y tous, débat. Un peu marxiste, un peu hédoniste. Thank you. mon libre arbitre, créé par mon expérience, déterminisme, ha ha ha.

avec vous libre, libre, arbitre. Singularité. Absorbé, passé, le mettre à distance. Capable de s'émanciper, toute la question sensible de l'éducation, s'émanciper, laisser la possibilité d'être autre chose. La somme.